Chapitre 12. Détruire ce carnet était peut-être la chose à faire. Pourtant, je n'ai pu m'y soustraire. Elle y a en dedans, comme un testament, le récit d'un périple bien vivant qu'ensemble, nous avons commencé, qui nous a unis ou déchirés. Enrichi au début, nous en pensions être. Puis, au fur et à mesure, ce fut notre perte. Si vous êtes notre ennemi, justice est faite, que je meure ainsi, car de tous les miens, je suis responsable de leur funeste destin. Si vous êtes notre ami, vous mettre en garde fera ce manuscrit. Nous pensions en paix et beau le monde qui était notre berceau. Ce n'était en réalité qu'un écrin, épargné par toutes les terribles atrocités dont nous avons été témoins, de moins en moins loin. Était-ce un blasphème que d'aller découvrir l'univers soi-même? Dieu vous a-t-il puni parce que nous avons quitté son nid? J'implore que vous soyez de notre côté et par cette histoire vous éclairez. Sachez que tout a commencé par l'apparition d'un oiseau scintillant. De son vol muet, il a percé les nuées et déclenché le récit suivant. Signé Xenia. Jour 1. Les bubblecos sont chargés, tout comme nos dos, et nous prenons place sur la route menant droit à la sortie de la ville. Le poids se fait bien ressentir sur nos chevilles. Les badauds, enjoués, sont assemblés de chaque côté, et nous saluent, avec des encouragements, qui stimulent nos cœurs de l'espoir de leur faire honneur. On nous rendra encore bien des hommages les premiers temps de notre voyage. Dans nos villages natos, les habitantes seront assemblées pour nous souffler des mots qui doperont encore plus notre détermination. Nous sommes 8 pour qui il s'agit là des premiers jeux. Serons-nous capables de contenter Dieu? Toutes les 3, ne pas y penser, nous préférons. Je ne sais ce qu'il en est de nos compagnons. Nous ne les connaissons pas, à l'exception de Donilson, par quelques brèves conversations et les dires de Xenilobia. 180 jours de marche à pied, c'est le plus long voyage que j'ai jamais fait. Pour le moment encore, m'être rendu aux vendanges est mon record. J'y participais pour la première fois, et le parcours est la moitié de celui-ci, bien moindre à portée de Barda, juste mes instruments que je voulais garder auprès de moi pour pratiquer ma ritournelle, comme toute bonne fidèle. La nourriture est certainement ce qui pèse le plus lourd, ainsi que le pack de couchettes pour les nuits sans rien alentour. Tout voyage dans la contrée a le mérite de permettre de s'arrêter, en auberge, pour notre peine, et de profiter du gîte et du couvert d'une hôte citoyenne. C'est au-delà du confort que nous amènerons le chemin des jeux. Passer des terres fidèles la frontière, vers des paysages rocailleux, nous vivrons à la dure, comme les prédécesseurs qui s'y débrouillèrent. Car où serait le mérite d'aller au jeu sans ces premières épreuves? Pour les vendanges, les bobblecous à la peau neuve ne sont pas à amener. Ils souffriraient d'un manque d'attention, au travail toute prise que nous serions, et fatigués en fin de journée, où seuls les arts peuvent nous délasser. C'est une joie infinie de partir en voyage avec Wally. Je n'imaginais pas passer autant de jours sans Yel. Ensemble, quelques randonnées, mais jamais plus de 50 jours. Au plus loin où nous sommes allés. Ces moments passés rien que nous deux, nous avaient encore plus rapprochés. Depuis notre rencontre se développe notre complicité, et chaque longue randonnée a aidé à la renforcer. Je me demande ce que nous apportera notre épopée. Yel s'entend bien avec Ruby et Nia. Yel se connaissent depuis plusieurs lunes déjà. Et rien qui me surprenne. Pourquoi ne s'entendraient-ils pas? Puisque moi, ni Fienne, nous entendons si bien. Le Bolwolko doit être l'être le plus serein de la création. Toujours calme, il vit au rythme des saisons, suivant la couleur du règne végétal, et sait faire montre de patience dans les intempéries hivernales pour mieux profiter du temps des réjouissances. Pour cette première nuit, nous sommes accueillis dans une auberge au charme bucolique, dans une maison basse en briques. Demain matin, nous serons rejointes par Géani et Pativen, directement de leur village. C'est toi et moi qu'elles viennent. Ils sont tous deux partis de l'est, alors que nous arrivons du nord-est. Après les soins aux Bolbolco débarrassés de leur paquetage, nous soupons dans la salle commune notre breuvage et échangeons avec quelques voyageurs qui, par nos tenues, savent que nous sommes des jeux d'éventuels vainqueurs. Et nous nous devons de leur offrir un petit concert pour ne pas être grossières, bien après que soit tombée la nuit à la lueur des bougies. J'espère que ce ne sera pas comme cela tous les soirs, sinon jamais nous ne trouverons la force de ne pas choir. Un repos est nécessaire pour effectuer notre périple dans le confort. Quand nous aurons atteint les plaines, là encore, dormir en pleine nature sera pour moi très dur. Je n'y suis trop accoutumée. et je ne sais si dormir à même le sol me permettra de récupérer autant que dans un lit douillet. Jour 5. Nous sommes désormais au complet. Au bout de 5 jours, Moise a rejoint le dernier membre de notre équipée. Plus rien que la route ne nous sépare des jeux, la pression grimpe encore un peu. Je me souviens d'équipes uniquement de novices composées, mais jamais ce n'est arrivé dans notre contrée. Si nous avions un membre expérimenté, cela nous permettrait d'avoir quotidiennement des conseils et sûrement de dédramatiser, plutôt que faire des querelles. Que dis-je à dédramatiser? Est-ce possible de dédramatiser quand il s'agit de représenter le talent de sa discipline, dans sa contrée, aux yeux de Dieu l'ultime? Je stresse beaucoup, mais je crois que Xenilobia détient la palme. En concourant pour 2 heures, comment être calme? En plus de pratiquer la musique avec moi chaque soir 1 heure avant le dortoir, elle s'inquiète sur l'effet de ce voyage exténuant sur son physique. Je la trouve sublime, et je ne vois pas comment elle pourrait en être autrement. Mais je suis mauvaise juge. Je ne suis point spécialiste de sa discipline. Sa pression est doublée. Chant lyrique et beauté, je la vois gagner à l'unanimité. Nous la rassurons. La marche de compète est l'un des meilleurs sports qui soit pour améliorer davantage sa silhouette. Et dès que nous faisons halte dans un village pourvu d'un lac, avec de Nilsson, elle pratique la nage, car rien n'est meilleur pour du corps exprimer toute la splendeur. Amirefoa et moi, nous contentons paresseusement, dans ces moments, de les regarder partir au loin, à la plus profonde du lac, de sauter hors de l'eau avec soin pendant que nous pataugeons mollement. Et parfois, nous nageons le long de la rive pour aller nous frôler aux poissons, le temps de les observer et d'à leur contact nous émerveiller. Jour 14. Ce carnet n'est pas tenu quotidiennement, mais que dire de passionnant alors que nous marchons avec nos bobolco dans un paysage toujours plus beau. Je demanderai à Amirefoa de croquer quelques horizons au coucher de soleil dans ce carnet pour rendre le pèlerinage immortel. Que Dieu se manifeste aux pèlerins pendant leur périple, arrive-t-elle? Ou reste-t-il silencieux jusqu'à ce que son jardin ait atteint ses fidèles? Je sais que peu ont raconté avoir été témoins d'un signe, mais à l'idée que cela nous arrive, j'en trépigne. De quel droit osais-je penser que nous serions plus dignes d'intérêt alors que nos talents n'ont pas été avérés? Je suis bien présomptueuse, mais l'impatience me rend rêveuse. Bien que nos avis divergent, nous partageons avec les autres nos réflexions. Les échanges sont parfois véhéments, alors que Xenobilia et Amirefoa ont la même pensée que moi, rien d'étonnant. Jour 43. Nous avons fait halte hier soir plus tôt, pour que Amirefoa puisse retranscrire, comme tantôt, le crépuscule sur la chaîne de Dieu, que nous apercevons à l'horizon de mieux en mieux. De la veille, elle voulait à tout prix revenir sur son croquis. Nous avons passé la nuit à l'orée d'un petit bois solitaire, avant la traversée de ce grand plateau de pierre. J'allais longtemps regarder pendant que Amirefoa dessinait. Toutes ces crevasses et ce sol escarpé me donnaient d'avance mal aux pieds, et je ne m'étais pas trompée. La marche d'aujourd'hui a été très pénible. Nous avons tenu bon et marché sur le même ton. La distance, parcourue, est bien moindre, nos pieds et corps sont à plaindre. Certains n'ont pas trouvé mieux pour nous décourager que de nous critiquer, car nous les ralentissions. Nous sommes partis avec 20 jours en plus des prévisions, et notre ralentissement nous en a même pas fait perdre un seul. Et il faut que ce soit ceux arrivés dans le cortège en dernier qui clament au boulet. Nos jambes, sans les jours du départ d'avance, pourraient tenir la cadence. Jouer ce soir à la lueur du feu, c'est ce dont nous avons besoin. Cela nous fera le plus grand bien. Xenilobia sait que les lacs deviendront très rares, qu'elle devra pour nager se contenter de quelques points d'eau épars. Jour 65. Voilà plusieurs nuits que les groupes de Twilrek et Pativen dorment en avant de nous. Pour être exact, 2 nuits, c'est la 4e. Le plateau est si immense que même s'ils établissent leur camp à 2 octomètres de distance, nous les apercevrions facilement. Où est la solidarité qui doit unir les pèlerins? Je me le demande bien. Demain soir, Amirefoa parle d'aller parlementer pour essayer de les raisonner et de ne pas se désolidariser. Comme toujours, Wali, Nia et Ruby sont robustes à toutes les épreuves subies. Et elles ne semblent pas plus fatiguées par la marche sur cette terre de pierre que lorsque nous étions dans la campagne naguère, abondante et verdoyante de rues et forêts touffues. Leur corps n'a pas commencé à puiser l'eau dans leur queue stockée. Jour 77. Un groupe de 6, 3 pèlerines et 3 mutines. Xenilobia, Amirefoa et moi, Wali, Ruby et Nia. Les autres artistes, par un morcellement de terrain sec, ont choisi la route de Pariven et Twelnek. Amirefoa n'a pu les raisonner de rester unis. Ils se sont montrés virulents avec elle et Ruby. Elle est revenue bouleversée, incapable de nous dire ce qu'elle s'était exactement passé. Nous approchons de plus en plus des montagnes. Le soleil à leur pointe se pique. Vaincu, pour lui, c'est le bagne. Chaque soir, il disparaît plus tôt derrière un pic. Denisson vient tout de même nous voir. Nous parler un peu. Mais Xinilobia ne supporte pas qu'il ait choisi de rester avec eux. Comme il est son partenaire, elle estime, et cela se passe de commentaires, qu'il devrait rester avec moi et faire preuve de solidarité plutôt que de se laisser séduire par Twelnek sans réfléchir. Jour 215. Nous avons atteint le pied de la première montagne de la chaîne de Dieu et avons commencé son ascension, évoluant au mieux. Pour de bon, nous ne voyons plus les autres. Ils doivent s'être installés sur une aire plus haute. Amirefoa nous a dit que Toumanek dénigrait notre art lyrique. Il estime que le sien et ceux des autres sont les seuls et uniques moyens véritables de rendre grâce. Le nôtre n'est qu'une pratique fadasse, vide d'intention et d'émotion. J'avoue que cela m'a fait un coup à l'âme, et que j'essaie depuis de comprendre pourquoi nos chants rendraient moins hommage. Est-ce parce qu'il nous a entendus, et que tout, paroles et notes, étaient malvenus? Nous avons été sélectionnés par un jury d'anciens vainqueurs de notre discipline, et sur notre route, les habitantes nous avaient écoutés avec bonne mine. Il ne doit pas s'intéresser au lyrisme. Je ne m'abaisserai pas à une critique, de lui ou de son art. Je ne connais que la musique pour ma part. Je respecte tous les talents, car tous rendent hommage à Dieu, sinon il n'en aurait pas créé autant. Jour 261. L'ascension est longue. Nous ne voyons plus le haut du sommet depuis des plombes. Il est caché par bien d'autres pics, et nous franchissons un à un, exténués mais stoïques. Malgré la fatigue, les bolbolcos sont pleins d'entrain, et ce sont ils qui battent le refrain. Parfois, ils osent nous devancer quand nous mettons du temps à escalader des rochers. Nous pensons qu'escalader peut être plus rapide que de contourner par des chemins dont nous ne sommes toujours sûrs de l'aboutissement. Mais ce matin, toutes les trois se sont entêtées à en suivre un au petit trot sans que nous puissions les retenir. À midi, nous avons atteint une plateforme où ils paissaient en forme. Leur regard était presque taquin. Voici les meilleurs pèlerins. Mali a même osé se coucher en nous voyant arriver pour se frotter le flanc en prenant soin de ne pas abîmer les sacoches sanglées à ses reins. Nous n'apercevons plus les autres pèlerins, perdus pour nous dans le loin. Nous ne les entendons même pas la nuit, quand le vent est tombé et que le silence est infini. Aucune créature ne vit ici, ou presque, et le chant de ces rares dernières ne permet pas d'établir pour nos rêves une fresque. Jour 311. Xinilobia a pris de l'avance sur Amirefoa et moi, à la mi-journée. Elle a enfourché Nia afin de nous dire ce qu'on pouvait apercevoir du haut du sommet. Davantage de montagnes à franchir, voilà ce qu'elle a pu dire. Mais qu'elle semblait que nous étions bien dans les temps. Après avoir atteint à notre tour le point culminant, nous en avons fait la même déduction. Bien plus au nord, hors de la route du pèlerinage, un mont plus imposant que celui nous servant de repère et dépassant des nuages, nous paraissait guère si loin pour y aller un matin. Comme si la marche forcée depuis tous ces jours derniers nous avait donné envie de faire davantage nos preuves, nous avons décidé de tenter de le gagner et d'aller à son sommet pour y contempler une vue encore plus merveilleuse et neuve. Nous sommes bien assez équipés en vêtements chauds pour nous la permettre. Nous avons fait le plein de baies et de racines ces derniers jours après diverses découvertes. Le fait que tous les fruits soient intacts nous laisse penser que les autres pèlerins ne sont pas passés par cette étape. Je me demande quelle route ils ont choisi d'emprunter somme toute. En contrebas des montagnes s'écoule une rivière assez large, avec de rapides flots. Après l'ascension du haut pic, nous avons également décidé de construire un radeau pour nous laisser traîner au fil de l'eau. Si jamais nous prenons du retard, cette croisière nous permettra de le rattraper dardard, et si jamais nous sommes toujours dans les temps, peut-être rattraperons-nous les autres ou arriverons avant. Jour 348. Atteindre le haut pic n'est pas pour les faibles. La vue de la beauté même valait de subir plus de peine. Nous avons gravi le sommet en fin de matinée et y avons passé toute la journée afin de nous reposer, comme mérité, et cela était en fait une nécessité. Au petit matin, une créature étrange nous est apparue. Un oiseau silencieux, étincelant et gigantesque, nous effrayant presque, planait à vitesse éperdue, se dirigeant vers le nord-ouest, à première vue. Il a disparu derrière un col et après avoir guetté en vain sa zone de vol ou le passage de congénère, nous avons décidé de dénicher son repère. Où allait-il à telle vitesse? Si dans notre voyage pieux, nous découvrirons une nouvelle espèce, si immense de plus, cela serait fabuleux. Jour 364. L'oiseau étincelant reste introuvable, malgré nos recherches innombrables. Le deuxième jour au soir, atteignant un sommet de plus dans le noir, Nous avons dormi à même le sol, sans monter de tente, juste emmitouflés dans nos sacs de couchage, sur une pente, serrés chacune contre notre bobolco, et trouvé le repos. Par le vent du nord-nord-ouest, de loin, m'en parvenait, salé, un parfum. À l'aube, les bobolcos réveillés, avant moi, s'agitaient, et respiraient fortement l'air, tapant du pied pour nous faire lever. De notre point d'observation, une immense étendue d'eau s'étalait à perte de vue. Je sais que des contrées étrangères sont au bord, mais je n'ai jamais conversé avec des étrangers de ces contrées-là, et entendu très peu de choses jusque-là. L'océan est au nord. Est-ce une action interdite que d'atteindre la limite des limites? Plus que jamais, ce pèlerinage nous rend pieuse, et nous donne envie de découvrir davantage notre terre merveilleuse. Nous avons là l'occasion rêvée d'approcher l'océan, d'approcher les âmes de nos ancêtres. Et ce serait inconvenant de ne pas saisir pareille chance offerte. Jour 412. Nos estimations pour gagner l'océan étaient fausses. Nous avons tenté de l'approcher, mais son corps, constitué d'une si grande fosse, s'est joué de nos calculs. Nous n'allons pas abandonner, nos cœurs brûlent de curiosité. Le vœu a été fait d'aller rendre hommage à nos aïeux et à la création de Dieu. Elle nous paraît impensable d'oser renoncer. Un problème majeur s'est également posé. La rivière en contrebas a disparu. Nous ne savons plus depuis combien de temps nous l'avons perdue ou avons dépassé sa source. Nous ne faisions attention à cela dans notre course. Une chose est sûre, tant que nous n'aurons pas retrouvé notre transport aquatique, le retour restera problématique. L'esprit d'Amirefoa est confiant et nous encourage à continuer à aller de l'avant. Personnellement, je suis fatigué et sans crier au malheur, pense que rejoindre ce haut pic était notre première erreur qui nous a amené à en prendre d'autres mauvaises et que celles-ci s'enchaîneront jusqu'aux falaises. La formulation a été faite d'atteindre l'océan, nous ne pouvons renier ce serment. L'oiseau argenté ne s'est jamais remontré. Jour 452. L'odeur amenée par le vent était de plus en plus forte, et maintenant, du bout du monde, nous avons nos pieds au seuil de sa porte. Nous savons que l'odeur salée est celle de l'océan. Il nous a appelés. Ainsi voilà le parfum accueillant et enivrant du berceau des défunts. Il guide au travers de l'éther, les âmes jusqu'à la mer. Perdre des êtres chers est toujours une douleur, et malgré la foi, on a peur de ce qu'elles deviennent maintenant qu'elles ne sont plus ni siennes. Observer l'océan, le contempler, apporte une telle sérénité, car je ne remets guère en doute que les âmes de mes parents et amis disparus reposent en paix pour l'éternité, et que les rejoindre sera un moindre drame. Jour 677. Je reprends ce carnet, lassé, puisque tu nous as laissé. Voilà bien des lunes que les pages ne sont plus devenues brunes. Même si j'allais reprendre tard, j'ai pris le temps de relire tes histoires. Pour moi, elle n'y a plus de pèlerinage. Nous tournons une page. Tu as préféré reprendre la route des jeux de Dieu et tenter de rejoindre à temps les autres, comme tu as pu. J'avais fait un rapide historique expliquer cette décision critique sur laquelle nous avons beaucoup débattu et dont l'issue nous a beaucoup abattus. Le lendemain de notre arrivée sur la falaise, donnant sur ce que nous pensions être l'océan, deux créatures nous avons rencontrées, nommées Petit Frère Chagrin et Niso Craig. Toutes deux de paroles douées que nous n'en avions jamais vues, j'appense personne de notre contrée ne nous aurait cru. Niso Craig a dit être un Aldorion, et que Petit Frère Chagrin était un Gator, son compagnon. Au pied des falaises, tous les deux longeaient le sable blanc, là où ce qui était pour nous trois, l'océan, communiait avec notre terre. Nous observions le large sans pensées amères. Quand nous les avons découverts, ils marchaient dans les vagues de l'océan. Scandalisés de les voir piétiner nos mers, nous avons abordé ces insolents. Nous les approchions pour un acte blasphématoire, et à force de mieux les voir, morphologie complètement inconnue, l'idée de créatures marines nous est venue. Quand nous sommes apparus devant eux, un choc intense se lisait dans leurs yeux. Alors que nous les observions comme des êtres uniques, ils semblaient pris de panique. Au début, nous ne pouvions faire d'échange, car ils ne parlaient pas notre langue, mais Niso Craig, curieusement, lire pouvait sans prononcer ce qui était écrit dans le carnet. Sa lecture à voix haute était différente. Nous avons même tenté de l'imiter, mais cette prononciation était trop irritante. Après lui avoir expliqué comment nous prononcions notre écriture, Niso Craig l'a très vite retenu, et de manière sûre, s'est ensuite mis à nous parler sans que Petit Frère Chagrin ne puisse participer. L'Aldorion est devenu notre interprète. La base pour une discussion était prête. Avec l'ouverture du dialogue et par le biais d'un monologue, Ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu l'une de nous parler ou être vêtue. Pour les deux parties, la conversation a été très laborieuse, échangeant pendant des heures des paroles peu pieuses. Ils nous affirmaient qu'ils connaissaient déjà notre espèce, mais que ses membres n'avaient aucune sagesse, tout juste des êtres vivants, d'eux-mêmes à peine conscients. Malgré le fait qu'aucune de nous trois n'ait voyagé en contrée étrangère, nous connaissons nos horizons. Il paraît très grossière de dire que les créatures puissent être douées de raison. La sentience n'est-elle pas une évidence? Quand d'un autre côté, nous leur avons expliqué que nous n'avions jamais vu des créatures, leur ressemblant, de près ou de loin, en ossature ou anatomiquement, et que nous avions pensé qu'ils étaient peut-être de l'au-delà des envoyés, ils nous ont tous deux affirmé qu'ils n'étaient ni fantômes ni reliquats, et qu'à patauger dans cette eau, il n'y avait aucun blasphème. Que ce n'était pas là le bout du monde même. Qu'il y avait une île au large, cachée par les nuages, pouvant être aperçue plus à l'ouest de la plage. Sur cette île hypothétique, vivraient des créatures qui nous sont identiques. Il était difficile d'entendre pareil discours, et tu n'as pas tardé à y couper court. Surpris en flagrant délit, il se réfugiait dans le déni. Il faut voir là un défi et de ne rien croire ce qui est écrit. Prendre à contresens le chemin des jeux a courroucé Dieu. Nous n'avons eu de cesse de nous éloigner de notre saint pèlerinage, et n'ayant su rebourser chemin à temps, y aller prouve notre foi par ce mirage. Nous avions osé tourner le dos au plus grand des honneurs. Oserions-nous, à propos de l'océan, croire pareilles horreurs? Si nous rejetions que l'océan est fait de larmes, rapidement la discorde s'emparera de nos âmes. Petit frère Chagrin a précisé que de cette île ils viennent. Elle suffit de naviguer sur la barque qui est sienne. À la simple port de nos bras, sur les rames, là, il n'y a aucun drame. C'est une étendue d'eau à passer pour voir la vérité, loin de l'autre côté, si bien abritée. La séparation s'est opérée sur la décision qui a suivi. Xenia et moi avons décidé de les accompagner de l'autre côté. Lassée, tu as reparti avec Wally, Nia et Ruby. Nous avons jugé plus sage que tu repartes avec les Bolbolko. Nous avons simplement gardé les provisions comme fardeau. Jour 733. Petit frère Chagrin nous a conduits au niveau de la grève, où nous pouvons apercevoir l'île. Sa base, baignée dans la brume comme dans un rêve, y croire est difficile. La côte est suffisamment longue pour que cela fasse une île immense, et Petit frère Chagrin nous a adressé des informations plus denses. Il avait compris nos soupçons, et il voulait prouver sa raison, avant de nous en dire plus. Il n'est point farfelu. Il nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'une île, mais d'un continent, tout comme notre terre des vivants, que cette étendue d'eau est un océan, et qu'il y a plusieurs océans avec plusieurs continents. Bien des choses restent à être évoquées, mais il préfère en rester là pour ne pas nous interloquer. Il fallait laisser le temps à nos esprits de s'imprégner de ces récits. Demandant tout de même quelques détails, il a confié qu'il y avait eu un travail avec Nisocrec sur ce continent, mais le quotidien trop violent les a fait fuir au loin, ne voulant plus être des témoins. Nous avons dû longuement insister pour qu'il daigne nous révéler ce qu'il entendait par là. En vain, il nous reste à attendre demain. Cher lassé, Xenia et moi sommes attristés dans ces moments de ne pas t'avoir à nos côtés. Jour 735. Après beaucoup d'insistance, nous avons vaincu ces réticences. Petit frère Chagrin nous a dit que les nôtres, muettes et nues, sont élevées dans des bâtiments pour être abattues. Les femelles, les mâles, les bébés, toutes sélectionnées pour la production de divers produits avec leur chair, peau, bandes de cuir, squelettes et griffes confectionnées. Lassé, les propos sur l'océan étaient des calomnies. Croirais-tu, là, que c'est toujours du déni? Tu as rejeté tout en bloc. Xenia et moi sommes sous le choc. Nous ne savons pas quoi dire. Peut-être Nisocrec a-t-il du mal à traduire. Pourquoi inventerait-il une telle histoire? Certainement, nous pouvons les croire. Nous ne voyons pas comment une telle histoire peut être inventée, et nous ne voyons pas non plus comment de telles choses peuvent être perpétrées. Aucune raison ne peut motiver pareille fabulation, et nous faut digérer ces révélations. Il y a en nous des questions qui s'éveillent, et nous en perdons le sommeil. Petit frère Chagrin confie qu'il est encore plus bouleversé qu'il ne l'était. Je n'ai pas tout compris de ces messes basses, juste que ces cauchemars seront pires que jamais, avec la certitude acquise que nous n'étions pas une inconsciente masse. Jour 741. Nous avons embarqué sur l'eau qui n'est pas l'océan, mais un océan, et avons atteint les rives du nouveau continent. Lassé, voyager sans toi, nous rend triste Xenia et moi. Nous n'en parlons pas, et nous en sommes, à vrai dire, à peine parlés, l'une comme l'autre craignant sans doute que ton nom soit prononcé. Et nous ne voulons pas créer de malaise, que cela ou non nous plaise. Nous échangeons avec Petit Frère Chagrin. Lise Craig est un être plutôt discret. Il traduit pour son compagnon et reste comme sans opinion. Connaît-il vraiment le sujet? Aux paroles ligator, il acquiesce, le tout neutre sans liesse. C'est ce comportement peu emprunté qui chez lui t'avait rebuté. Le continent atteint, notre camp est sur la plage. Nous devrons marcher un peu plus de 20 jours pour atteindre ce que Petit Frère Chagrin appelle « élevage », là où certains des nôtres seraient gardés alentour. Tu t'attendais qu'avec eux, nous rencontrions un destin malheureux. Étais-tu pas dans le vrai? Petit Frère Chagrin nous a prévenu que les lieux seraient dangereux. Nous avons risqué d'être pourchassés, capturés et enfermés. Les gardes penseraient que nous nous sommes échappés. Ce serait alors pour le mieux, car si nous parlions, nous risquerions d'être exécutés, ainsi que d'eux. Lise Craig et lui travaillaient là-bas autrefois. Ils étaient prisonniers presque autant que ceux de notre espèce, dépouillés de tout choix, souhaitant que cela cesse. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'il dit. Serait-ce que Lise Craig a mal traduit? Depuis notre rencontre, il semble la faire correctement. Xenia est aussi perdue que moi dans ses récits hallucinants. Jour 751. Petit Frère Chagrin nous a encore raconté quelque chose. Je me demande quand cessera sur ce sujet sa prose. Je vais essayer de raconter tout fidèlement d'après ce que j'en entends. Dans le ciel se trouvent d'autres terres, qui s'appellent des planètes, et sur ces mondes ne vivent pas que des esthètes, mais toutes sortes de créatures, toutes faites de diverses mœurs et cultures. Petit Frère Chagrin et Lise Craig en sont des représentants plus ou moins consentants. Recrutés pour travailler, ils étaient volontaires, désireux d'envoyer à leur famille un salaire. Une fois arrivés à ce travail dans ce secteur, ils n'ont plus eu accès à ce qui leur permettrait de communiquer avec les leurs. Ne me demande pas comment ils communiquent, je n'ai pas abordé de côté technique, concentré que nous étions sur les explications. Elle n'était pas bienvenue de parler mode de communication. Lui et d'autres espèces civilisées mangeaient des créatures non civilisées comme les prédateurs sauvages chassent dans la nature, mais qu'au lieu de chasser, ils gardaient ces animaux, jugeant de leur sort, comme nous à nos compagnons Bolbolco, et qu'ils les tuaient pour se repaître de leur corps. Lorsqu'il nous a dit cela, Xenia et moi, nous sommes regardés longtemps, et sans dire mot, nous avons toutes les deux pensé à la même chose, et étions sur le point de partir en courant. Il a dû lire l'effroi dans nos yeux, nous a affirmé qu'il n'y avait rien que nous craignions, puisque nous étions capables de parole et de raison. Je comprends ta méfiance, lassé. Tu as décelé chez lui ce que nous n'avions pas vu. Gentil, courtois, comme bien intentionné, il affiche aujourd'hui la pensée d'une brute crue. Il semblait vouloir dire qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer si une créature muette était tuée pour être consommée. Son raisonnement a été perturbé quand, dans un local, le regard d'un des nôtres semblait le supplier malgré son silence vocal. Si Lise Craig n'était pas là pour nous traduire, peut-être penserait-il que nous sommes bonnes à cuire. Notre meurtre ne serait plus un malheur parce qu'il n'y aurait pas de traducteur. Les Bolbolco sont sourds et muets, pourtant leur langage est florissant. À qui sait observer leurs mouvements? Dans leur cas, le son est désuet. Il nous a dit que nous parlons comme la comète. Je ne sais ce qu'il entend par là. Comme quoi, même avec un interprète, se comprendre n'est pas toujours le cas. Jour 772. Nous n'avons pas tari sur ces questions en bavardage, ralentissant notre avancée sur le chemin qui devait nous mener aux élevages. Finalement, ce matin, nous sommes arrivés hier dans les parages, nous étions face au grillage. Nous allions nous approcher quand Lise Craig a dit que c'était électrifié, qu'un choc serait administré à quiconque y toucherait. Nous sommes restés à observer de loin l'intérieur. Des charrettes, sans personne pour les tirer, entraient et sortaient alors que l'entrée s'ouvrait pour les laisser passer. Il y a de grandes bâtisses sans fenêtres et des gardes à l'extérieur. Ce sont des lieux étranges. Plus grands que nos granges, les bâtiments sont des cubes insipides, incomparables avec nos architectures intrépides. Cloîtrés, dans des lieux de rien, vivraient des Niphiens. Nous n'avons vu personne, mais les mots encore en moi résonnent. Il y a 5 catégories, et chaque individu de l'une fait partie. Les femelles reproductrices, les mâles géniteurs, les mâles à viande, les adultes réformés, et les petits pas encore sevrés. Ils sont toutes des animaux producteurs, chaque catégorie vit écartée des autres. Qu'elle soit ou non des nôtres, comment l'esprit d'un être sensé peut-il concevoir telle pensée? Un dernier lieu, enfin, à l'écart, assemblage d'un bâtiment et d'un hangar, relié par un couloir. Quand ils ont atteint le bon âge, loin d'être devenus vieux, les Niphiens finissent tous par y être conduits, peu importe leur catégorie. Aucun employé n'entre dans ces murs. Les machines du travail s'assurent. Chaque jour, on amène là ceux qui sont mûrs, et seul dans le noir, l'ultime horreur endure. Après cette étape menant de vie à trépas, vient le conditionnement ignoble des corps qui transforme leur chair en repas. Peut-on dépeindre plus effroyable décor? Les employés reprennent un rôle pour charger la marchandise, acheminée ensuite dans un autre pôle. On ne peut rien y changer, quoi qu'on en dise, est la conclusion de Petit Frère Chagrin. Et toi, lassé, tu es parti au loin, Zenia et moi sommes abattus et horrifiés, mais en aucun cas résignés. Jour 777. Lassé, tu as été offusqué parce qu'il t'avait choqué en niant l'idée que nous nous faisions du monde, et pour toi, blasphémait sur Dieu et l'amour dont il nous immonde. Une pensée m'est venue aujourd'hui. Nous croyons Dieu tout-puissant et infini, mais peut-être ne dépasse-t-il pas notre patrie. J'y ai songé en voyant ce qui suit. Sur la plage, toutes les trois, nous pouvions douter de cette vérité. Ce n'est plus permis, mes yeux ont changé ma foi. À la nuit tombée, creusant dans la terre grasse, sous la clôture, sommes passés, tentant de limiter nos traces. Les toits de verre des bâtiments nous ont permis de voir les enclos, après que nous ayons escaladé le gigantesque silo. À la vision de l'intérieur du bâtiment, je me suis évanoui, et elles ont eu à me redescendre, tant bien que mal, alors que Xenia m'a dit avoir vomi. Nous avons tremblé de tous nos membres, toute la journée d'hier, et avons eu beaucoup de mal à nous ressaisir, même si je sais que ni l'une ni l'autre n'est calme depuis cette vision d'enfer. Par ces descriptions, Petit Frère Chagrin avait fait de son mieux pour nous préparer, mais difficile pour nous d'être lucides. Depuis qu'il a commencé à tout narrer, nous avons pensé qu'il fabulait et que nous trouverions les lieux vides. C'est le bâtiment des femelles que nous avons escaladé, et je voudrais tous les faire. Xenia m'intime qu'elle n'en aura pas la force, et ne veut plus approcher de cet enfer. Elle refuse désormais de quitter la petite grotte qui nous sert d'abri. Et toi, lassé, quel serait ton avis? Jour 783. Pendant que Xenia et Nisocrec sont restés au camp, nous sommes allés, des mâles, voir le bâtiment. Nous avons procédé de la même façon que pour les femelles. Cette fois, j'ai été préparée, et je ne me suis pas évanouie. J'ai été prise de frissons, mais ai pu me maîtriser dans les minutes qui ont suivi, Petit Frère Chagrin étant d'un réconfort précieux. Les conditions de détention des mâles sont différentes que pour l'autre sexe. Ils sont maintenus de manière moins complexe, debout, face au mur et menottés, par des chaînes entravées et non en flottaison dans des bulles. La considération de leur être est tout autant nulle. Mâles et femelles ont un cathéter pénétrant leurs bras et nombrils. Celui du nombril permet une nutrition parentérale, et celui du bras des injections médicales, des traitements inconnus pour une croissance accrue, une prise de poids à la demande, une ovulation sur commande. De notre point d'observation, le mâle qui était en dessous de moi, en stabulation, a levé la tête. Son regard s'est fixé sur le mien. J'ai eu tant de peine, lassé, si tu savais combien. Nous avons sondé nos âmes, nous sommes semblables. Il a ouvert la bouche, comme pour dire un mot, et l'a refermé. Nous avons dû repartir. Pour agir, elle est trop tôt. Son regard ne m'a pas quitté de la nuit, et je n'ai pas dormi. Qu'allait-elle lui arriver? Comme Petit Frère Chagrin nous l'a déjà expliqué, il allait être mené au bâtiment final, conditionné, et ses morceaux, et parties de son corps, seront vendus dans les mondes peuplés de carnistes civilisés. Y a-t-elle plus absurde oxymore? Jour 787. Lassé, tu aurais sans doute pris la même décision. Nous avons eu une longue négociation. Nous allons sortir de là le mâle dont j'ai croisé le regard. Ne rien faire pour le sauver nous rendrait complices. Ce serait comme prendre part à cette innommable injustice. Je pense à tous les autres. Toi n'es pas seul. C'est un compromis avec ce que Xenia et les autres veulent. J'avançais naïvement que nous pourrions forcer tous les bâtiments. Ils seraient libérés et se révolteraient contre leur geôlier. Mes petits frères chagrins indiquent qu'ils ne pourraient pas survivre une fois dehors. Et il y a tant de l'extérieur qu'ils ignorent. Ils n'ont jamais rien connu d'autre que les étables, passant leur vie confinée et séquestrée. Je dois souvent revenir sur mes idées, tant c'est inimaginable. Ils sont dépendants des médicaments qui leur sont administrés. Ils développeraient des maladies rapidement et mourraient sans doute en peu de temps, après leur libération sans espoir de guérison. Tant de choses dans cet élevage que nous ne connaissons point. Électricité, câbles, armes, engins motorisés. La liste est longue. Nous avons tant découvert depuis que nous les avons rejoints. Lassés, les continents, les planètes. C'est tout autrement que nous voyons le monde. Cette technologie nous dépasse. Nous ne sommes familières du fonctionnement. C'est à nos compagnons qu'il revient d'échafauder le plan. Jour 817. Carzium est désormais avec nous. Ainsi ai-je à dénommer le mal que nous avons soustrait à une vie infernale. Le plan était long, mais il a fonctionné. Nous n'avions pas droit à l'erreur. Chaque soir, Nisocrec s'est rendu sur le toit, au-dessus de sa stalle, usant puis perforant la paroi avec sa corne nasale. Par l'orifice creusé, il a versé sur Carzium une liqueur, concoctée avec la sève de racines phosphorescentes. Quand le bâtiment final a été fermé pour nettoyage, que personne n'y ait plus mené pour abattage, Nisocrec, préparé pour une longue attente, s'y est caché, avec des provisions, patientant jusqu'au jour de l'exécution. Le jour J, plongé dans le noir, il a pu le repérer grâce à sa phosphorescence. Il l'a retiré de la chaîne, l'a caché avec lui dans un coin, et Carzium l'a suivi en toute obéissance, juste un peu paniqué, n'y voyant point et ne comprenant ce qui le tenait, et le poussait dans le noir. Mais il n'a pas fait de bruit, comprenant que c'était son échappatoire. Patiemment, ils ont attendu, cachés, le nettoyage sanitaire suivant. Avant la venue des techniciens, ils ont quitté leur cachette, se sont faufilés sous le grillage et dans la forêt, ont rejoint notre camp. Oh, comme ce fut étrange des buissons de voir émerger sa tête. Jour 826. Entre notre monde paradisiaque et Carzium sortant de l'enfer, petit frère chagrin qui nous a dit que notre monde est une sphère, Xenia et surtout moi sommes d'avis de continuer à découvrir les autres terres afin de voir si d'autres êtres sont exploités ou connaissent Dieu et fêtent ses jeux ou ont un autre mode de vie encore. Elle doit rester bien des mystères. Ne crois pas, lassé, que de te retrouver nos cœurs ne sont pas envieux. Dans cette partie, les hivers sont rudes. Nous mettons donc le cap vers le sud. Et quand sera venu le printemps, nous irons à l'ouest, vers un nouveau continent. Jour 1171. Carzium fait des progrès. Il prononce de plus en plus de mots. Il réussit même à construire quelques simples phrases. Depuis qu'il sait nager, il va se baigner dans tous les cours d'eau. Il reste à s'y tremper des heures, comme en extase. Il sourit de plus en plus et ne me quitte presque jamais. Aucune maladie, il profite de la vie, la vraie. Jour 1528. Nous sommes sur une île et bénéficions d'un temps sublime ici. Notre campement sur une plage est établi. Nous dormons à même le sable. Découverte, respirer l'eau salée brûle les ouïes, c'est intenable. Nous n'avions pas tenté de nager dans l'océan, trop soucieux de le respecter. Carzium n'est pas, comme moi, frustré, puisqu'il ne sait que nager pour le moment. Eau douce ou de mer ne change rien à son amusement. Nous le surveillons attentivement, car il peut agir comme un écervelé, et avec son trop grand entrain, il pourrait se blesser. Jour 1563. Nous sommes passés d'île en île, petit frère chagrin appelle cela archipel. La terre ici est si fertile, ce baisser suffit pour que la récolte soit belle. Nous avons découvert des centaines de créatures inconnues, des rencontres au hasard d'un chemin survenu, toutes vivent sous la loi de la liberté, aucune qui puisse répondre à notre voix, ou se rapproche des civilisations de l'univers de petit frère chagrin, et aucune nifienne n'a croisé notre chemin. Jour 1885. Nous allons demeurer sur cette île jusqu'à la naissance du bébé. Mon état ne me permet plus, au même rythme, d'avancer. Il faut tout arranger pour que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions. Nous avons trouvé une source d'eau douce. C'est cela qui nous a décidé à stopper à cet endroit. Xenia est sans doute encore plus nerveuse que moi. C'est elle qui va me faire accoucher dans la brousse. Peut-être es-tu devenue mère depuis. Je l'espère, tu en avais si envie. Je me trouve jeune encore et sans expérience. J'ai manqué de vigilance. Toutefois, tôt ou tard, ce jour serait venu. Je la lis dans mon cœur mis à nu. Jour 2134. Caroa est née. Son père est ébahi. Et il a été difficile pour lui de saisir tout ceci, ce que sont un bébé et un géniteur, lui qui a été séparé de sa mère à la première heure. Lorsque le bébé était encore dans mon ventre, il ne comprenait vraiment pas. Maintenant que Carsium l'a dans ses bras, cela est plus intelligible pour lui, je suppose. Notre fils est magnifique et en bonne santé. Avoir assisté à la naissance de ma petite sœur et à l'accouchement d'une cousine plus âgée m'a beaucoup aidé à gérer la douleur. Xenia a fait preuve d'assurance malgré son peu d'expérience. Le plus incroyable vient de Nisocray. Réformé de la pouponnière, il est aux petits soins, une vraie nourrice. J'apprends de ses gestes et manières. Jour 2884. Notre vie sédentaire, qui a duré pas moins d'un an, s'achève. À vivre dans ce petit paradis, notre passé ne semble qu'un rêve. Qui sont les élus pour les nouveaux jeux de Dieu de notre contrée cette année? Que deviens-tu, lassé? Penses-tu à nous? Avais-tu été éliminé? J'aurais tant aimé que toi sois là pour la naissance de Caroa. Je ne doute pas que lors de notre retour, quand nous aurons fini du monde notre tour, nous te retrouverons, et comme avant, inséparables, nous serons. Mais dans combien d'années encore? À ce moment, des histoires à raconter nous auront pléthore. Caroa se dresse un peu sur ses pieds. Il y est très proche de Carsium, qui, au contact de son fils, progresse au maximum. Notre route vers le sud, comme prévu, nous reprenons. Puis nous embarquerons vers l'ouest, quand la côte pointera à l'horizon. Jour 3315. Caroa a dit « Mama » aujourd'hui. Sans arrêt, il plaisante et rit. Tout autour de lui le fascine, et petit frère Shangra sans cesse taquine. Jour 3348. Nous pensons avoir gagné un nouveau continent et monde. Plusieurs jours de marche n'ont pas été suffisants pour en voir le bout. Le climat est plus humide que sur l'île, tout autant la nourriture abonde. Carsium fait la fine bouche, alors que Caroa mange le tout. Petit frère Chagrin dit que son palais n'a pas été entraîné à varier les saveurs. Il refuse les aliments dont le goût sort de l'ordinaire, et recrache les aliments amers. Il favorise nettement les douceurs. Jour 3586. Caroa prononce son nom. Il dit Kawa, comme son père. Ils ont tous les deux du mal à prononcer les R. Quand je le corrige, Carsium me répond avec malice, « Nous devrions changer le nom de notre fils. » Étant la seule de nous trois à pouvoir le prononcer, c'est à la prononciation de Caroa qu'il faut se ranger. Il développe bien son humour. Ça n'en fait pour lui que renforcer mon amour. Nous suivons actuellement un fleuve pour aller au nord. La nuit, nous établissons le camp sur le bord. Quelques espèces, ça et là rencontrées, mais aucun village, comme dans nos contrées. Jour 4247. L'autre jour, nous avons aperçu un oiseau étincelant. Petit frère Chagrin nous dit que c'était un engin motorisé, volant, que cela s'appelait un vaisseau. Il ne s'agit pas d'un oiseau. Il y a si longtemps, lassé, que nous avons vu un appareil menaçant qui volait dans les nues. Le vaisseau se dirigeait vers le nord. Nous continuons notre route. Cette révélation a semé en Xenia et moi un affreux doute. Dans notre retraite idyllique dans l'archipel, j'avais osé oublier le danger des élevages mortels. Maintenant que d'occupants proches aient fait l'évidence, j'imagine Carsium être repris et ramené là d'où nous l'avons sorti. Caroa emprisonné et privé de toute enfance. En reprenant la route, je n'avais pas imaginé le péril auquel je pouvais exposer ma famille. Rebrousser chemin et retourner à notre terre de Dieu est peut-être ce qu'il y a de mieux. Jour 4311. Nous avons trouvé d'autres Nifiennes. Carsium et ceux que nous avions vus dans les bâtiments étaient bien plus grands et imposants que par chez nous en moyenne. Celles-là, qu'au loin nous avons aperçues, sont plus petites, leur peau est foncée et ne sont pas nues. Nous n'avons pour le moment pas établi de contact avec elles. Nous préférons observer avant toute approche formelle. jour 4313. Nous avons suivi deux individus aperçus sur le rivage, remplissant des seaux, et les avons suivis jusqu'à un village. Sur place, nous sommes assurés que tout était normal. Nous n'avons assisté qu'à des scènes banales, des familles vaquant à leurs occupations, chacun dans sa petite hutte, construction rudimentaire. Le climat n'impose pas de solides fondations, chez nous c'est le contraire. D'un commun accord, demain nous irons les saluer, et qui sait, peut-être dialoguer. Jour 4316. Carzium et Petit Frère Chagrin ont été tués, Nizo Craig a été capturé. Dois-je raconter cela? Lassé. Jamais tu ne me liras. J'accrains pour la vie d'Elie Jody, de Xenia et de mon fils. Écrire sera-t-elle autre chose qu'un second supplice? Nous nous sommes rendus au village. Nizo Craig et Petit Frère Chagrin connaissaient leur langue à la surprise générale. Ils nous ont dit qu'ils parlaient universel, une langue parlée dans les mondes du ciel. Quand les habitants nous ont vus arriver, vision des plus originales, le village que nous observions qui paraissait si paisible s'est agité. Ils se sont sauvés, dans leur hutte sont rentrés. C'est quand Xenia est allée frapper aux portes, qu'ils sont ressortis et que la matriarche Elie Jody est venue entendre notre récit. Nous avons eu à la dire d'où nous venions, ce que nous avions vu et connu, le passé de Carzium, l'horreur de sa région, une histoire pour elle peu saugrenue. Et elles nous ont dit qu'elles avaient pris Petit Frère Chagrin pour un mercenaire, des êtres qui les exploitent de la manière la plus primaire. Ils sont aussi exploités que dans l'élevage de Carzium, mais ils ne sont pas emprisonniers dans des cages. Autrefois, ils ont essayé de se rebeller ou de s'enfuir, mais la vie après cela leur était rendue encore pire. Depuis qu'elles acceptent ces conditions, ils peuvent avoir un semblant de liberté avant d'être prélevés, pour elles ne savent quelle raison, ni où elles seront finalement déportées. Majoritairement, devenus des jeunes adultes, ils sont retirés à leur entourage. Ils ont eu au moins deux enfants, qu'ils ont pu élever jusqu'au sevrage, puis les grands-parents s'occupent de leur descendance. Les générations sont prélevées en alternance. Pendant qu'Elie Jody nous racontait leur histoire, des mercenaires sont arrivés de toutes parts. Leurs engins émettaient un bruit épouvantable, le même que les engins qu'a connu Carzium dans son étable. Alors que la matriarche allait nous cacher pour plus de précautions, en nous assurant que de s'inquiéter il n'y avait aucune raison, Carzium est sorti de la hutte en hurlant et s'est jeté sur eux. Je ne l'avais jamais vu ainsi, tout en colère et haineux. Petit Frère Chagrin s'est interposé. En le voyant, les mercenaires semblaient confus et finalement, ils les ont tous deux abattus. En repérant Nizo Craig, ils s'en sont emparés. Xenia et moi, nous sommes sauvés avec le petit. Nous avons été obligés d'abandonner là leur corps. La matriarche m'a assuré qu'elle ferait une belle tombe à nos morts. Même sans nos interprètes, c'est dire j'ai compris. Jour 4323. Cher Lassé, c'est donc pour toi qu'écrivait Amoa. Nous nous étions cachés dans un fourré aujourd'hui, tentant d'avancer discrètement la nuit. Retrouver le fleuve et reprendre le chemin inverse. Retrouver notre contrée, où jamais de sang on verse. Amoa n'est pas revenue depuis hier matin. Elle était partie chercher à manger dans le bois, puisque nous n'avions rien à porter de main. Je n'ai pas osé m'aventurer, je suis restée avec Karoa. Il réclame à manger et aussi sa mère. J'attends de le consoler, mais au final, je ne fais qu'avec lui sangloter. Si Amoa ne revient pas d'ici ce soir, j'attendrai de faire la cueillette dans le noir. Je devrais laisser Karoa sans surveillance. Je le cacherai au mieux. Nous ne sommes plus que toutes les deux. Je me dois de revenir, sinon il risque de mourir. Oh Lassé, que ne t'avons-nous écouté? Nous n'aurions jamais dû avoir la présomption d'aller jusqu'à l'océan, d'écouter la tentation de cet oiseau étincelant. Jamais nous n'aurions dû nous détourner du pèlerinage. Tu as épargné. Tu as toujours été de nous la plus sage. Est-ce là la punition de Dieu? Avons-nous mérité de voir mourir nos compagnons, de vivre dans l'angoisse, parce que nous avons eu l'occasion de chercher au-delà de son royaume bienheureux? Je relis le récit de notre périple, et je n'y trouve rien de blasphématoire, juste l'envie d'explorer toute la création et son territoire. Te penser saine et sauve est ma consolation, et l'idée de te retrouver en rentrant à la maison est ma source de motivation pour entamer ce périple seul. que ces lieux ne soient pas notre linceul. Signé Xenia.